Chapitre 14e. La proposition d'un veuf. Pendant quelque temps après son retour, Edward Arundel fut très inquiet et très triste. Il rôda dans la campagne, tout seul, sous l'influence d'une prétendue passion pour la marche. Pour la première fois de sa vie, il fit de longues lectures, s'enferma dans le cabinet de son père mort, et y resta des heures entières dans un grand fauteuil, lisant les histoires de toutes les guerres qui ont ravagé cette terre depuis le jour où les éléphants d'un chef carthaginois foulaient aux pieds les soldats de Rome, jusqu'à l'époque où parut le prodigieux fils d'un avocat corse qui sortit de son île modeste pour conquérir la moitié du monde civilisé. Edward Arundel se montra un frère très indifférent, car Laetitia, malgré tous ses efforts, ne put le décider à prendre part à aucun de ses amusements. Elle fit dresser une cible sur la pelouse, mais tout ce qu'elle raconta sur l'adresse merveilleuse de Belinda n'amena pas le jeune homme à venir regarder les deux jeunes filles s'exerçant au tir. Il les regardait parfois à la dérobée, à travers les volets du cabinet. Il soupirait en songeant à son navire perdu et à tout ce qui aurait pu être. Tout ce qu'il regrettait ne pouvait-il pas se faire encore? N'avait-il pas rempli son devoir envers la morte? Et n'était-il pas libre de recommencer une vie nouvelle? Sa mère faisait perpétuellement des allusions à quelques belles perspectives qui lui souriaient. S'il voulait bien choisir le sentier jonché de fleurs qui le mènerait dans ce beau pays. Sa sœur lui parlait encore plus franchement de la conquête qui était à sa portée, s'il était assez brave pour allonger la main et revendiquer pour lui le précieux trésor. Mais quand il songeait à tout cela, quand il se demandait s'il n'agirait pas sagement en laissant tomber les périls de l'oubli sur le triste tableau du passé, si ce ne serait pas bien de laisser les morts enterrer leurs morts et d'accepter cette autre bénédiction que la même providence qui avait détruit sa première espérance semblait lui offrir maintenant. Le fantôme de John Marchmont sortait des royaumes mystiques du néant et une voix sépulcrale lui criait « Je t'ai confié la garde de ma fille, je t'ai confié son amour innocent, je t'ai chargé du soin de la défendre dans son abandon. Qu'as-tu fait pour te montrer digne de ma confiance en toi ?» Ses pensées tourmentaient constamment le jeune veuf et le privaient de tout plaisir dans l'agréable société de sa sœur et de Belinda Lawford. Ou bien le remords donnait un goût si amer à la coupe de sa joie que le plaisir ressemblait à de la douleur. Aussi, je ne sais pas comment il se fit, que vers le sombre crépuscule d'une belle journée, dans le commencement de mars, près de 2 mois après son retour à Dangerfield Park, Edward Arundel, trouvant par hasard Miss Lawford assise toute seule auprès de la fenêtre où il l'avait vue le soir de son arrivée, lui avoua la terrible lutte de sentiments qui faisait le grand chagrin de sa vie et lui demanda si elle voulait accepter un amour qui, malgré toute sa ferveur, était légèrement assombri par le souvenir du douloureux passé. « Je vous aime tendrement, Linda, dit-il. Je vous aime, je vous estime, je vous admire, et je sais qu'il est en votre pouvoir de me donner le plus heureux avenir que jamais homme ait entrevu dans ses rêves les plus jeunes et les plus brillants. Mais si vous acceptez mon amour, cher aimé, il faut que vous acceptiez en même temps mes souvenirs. Je ne puis oublier, Linda. J'ai essayé d'oublier. J'ai demandé à Dieu que dans sa miséricorde, il m'accorda l'oubli de ce passé irrévocable. Mais ma prière n'a pas été exaucée. Cette faveur ne m'a pas été accordée. Je crois que l'amour pour la vivante et le remords au sujet de la morte régneront éternellement côte à côte dans mon cœur. Ce n'est pas une infidélité envers vous qui me fait me souvenir d'elle. Ce n'est pas l'oubli de Marie qui me fait vous aimer, vous. Je vous offre ce qu'il y a de plus brillant et de plus heureux en moi, Belinda, et je lui consacre, à elle, ma douleur et mes larmes. Je vous aime de tout mon cœur, Belinda, mais mon nom de votre amour, je ne puis dire que je l'oublierai, elle. Si la fille de John Marchmont était morte sa tête sur ma poitrine et une prière aux lèvres, j'aurais pu la regretter, comme d'autres hommes regrettent leurs femmes, et j'aurais pu apprendre avec le temps à n'envisager ma douleur qu'avec un regret tendre et naturel qui eût laissé sans nuage ma vie future. Mais il n'en devait jamais être ainsi. Le poison du remords est mélangé avec ce souvenir poignant. Si j'eusse agi autrement, si j'eusse été plus sage et plus réfléchi, ma chère femme n'aurait jamais souffert. Ma chère femme n'aurait jamais recouru au suicide. C'est la pensée que sa mort a pu être causée par un acte coupable qui me torture le plus, Belinda. Je l'ai vue prier avec sa figure pâle et sérieuse levée vers le ciel, et le rayonnement de la foi brillait dans ses 12 yeux. J'ai vu l'inspiration divine sur sa figure, et je ne puis me résoudre à croire que dans les ténèbres qui vinrent obscurcir sa jeune existence, cette sainte lueur s'éteignit. Je ne puis me résoudre à croire que le ciel fut sourd aux cris de pitié de mon innocent agneau. Ici, M. Arundel s'arrêta. Il resta assis en silence à regarder les longues ombres des arbres sur la pelouse obscure, et je crains bien que, pour le moment, il ne pensât guère qu'il venait d'offrir à Miss Lawford sa main et tout ce qu'on peut s'imaginer qu'un bœuf possède de cœur. Hélas, nous ne pouvons vivre et mourir qu'une fois. Il existe des choses, et celles-là sont les plus belles de toutes, qui ne peuvent être renouvelées. La poussière dorée sur l'aile d'un papillon, la rosée du matin sur une rose fraîchement épanouie, la première vue de l'océan, notre première pantomime où toutes les fées sont faites éternellement, et où l'absorption imprudente du contenu d'une mesure d'un quart en étain en présence des spectateurs ne peut nous désenchanter au sujet de cette créature féerique, le gracieux arlequin, fidèle fiancé de la belle Colombine. Les prémices de la vie sont très précieuses. Lorsque l'aile noire de l'ange de la mort s'étendit au-dessus de l'Égypte agonisante et que les enfants furent frappés, le ciel offensé réclamant un sacrifice prit les premiers-nés. Les jeunes mères eurent d'autres enfants, peut-être, mais entre ceux-là et l'amour de la mère se dressa l'ombre pâle du bien-aimé perdu, dont les mains mignonnes avaient tiré pour la première fois des cordes endormies des mélodies inconnues et évoqué pour la première fois l'esprit assoupi de l'amour maternel. Parmi les derniers vers, les plus passionnés, les plus tristes, qu'écrivit George Gordon Noel Byron, il s'en trouve quelques-uns dans lesquels il se lamente sur la fraîcheur perdue, sur la jeunesse à tout jamais envolée. Oh, que ne puis-je sentir comme j'ai senti, être ce que j'étais, ou pleurer comme je pleurais jadis, s'écrit le poète quand il se plaignait de cette froideur mortelle de l'âme qui est comme la mort elle-même. C'est grand dommage, certainement, qu'un si grand homme soit mort dans la fleur de l'âge. Mais si Byron eût atteint la vieillesse après avoir écrit ces lignes, il eût été une antithèse vivante. Quand un homme se livre à cette espèce de poésie, il s'engage à mourir jeune. Edward Arundel en était venu à aimer Belinda Lawford, sans s'en douter et en dépit de lui-même. Mais le premier amour de son cœur, le premier fruit de sa jeunesse, avait péri. Il ne pouvait plus ressentir le même dévouement, la même ardeur enfantine et chevaleresque qu'il avait éprouvée pour l'innocente fiancée avec laquelle il avait erré dans les prairies des environs de Winchester. Il pouvait commencer une vie nouvelle, mais il ne pouvait recommencer la vie d'autrefois. Il fallait qu'il se résignât à vivre d'une façon différente cette fois-ci. Néanmoins, il aimait Belinda avec tendresse. Il le lui dit, et il parvint à arracher à la jeune fille en pleurs l'aveu de son affection. Hélas, elle ne se sentait pas la force de trouver à redire à la manière dont Edward lui faisait sa cour. Il l'aimait, il l'avait dit, et tout ce qu'elle désirait sur terre fut à elle du moment où Edward Arundel prononça ces mots. Il l'aimait, c'était assez. Par cela seul, qu'il conservait le souvenir douloureux de sa femme, il n'en était que plus sincère, plus noble et plus cher à Belinda. Elle n'était ni vaine, ni exigeante, ni égoïste. Il n'était pas dans sa nature de reprocher à la pauvre Mary les tendres pensées de son mari. Elle était généreuse, croyante et toute d'effusion, et elle n'était pas plus disposée à douter de l'amour d'Edward pour elle, après qu'il avait fait l'aveu de ce sentiment, qu'à ne pas croire à la lumière des cieux quand le soleil brillait. Sans adresser une seule question, elle reçut avec un bonheur indicible le baiser de fiançailles de son amant et fut avec lui vers la mère d'Edward pour recevoir en rougissant et en tremblant la bénédiction de cette dame. « Ah, si vous saviez comme voilà longtemps que je soupire après cette union, Linda !» s'écria Mrs. Arundel en serrant dans ses bras la frêle jeune fille. « Moi, je mettrai une robe de soie glacée. » « Avec des volants ponceaux au lieu de volants de tulle, ma rusée Linda, » dit Laetitia. « Moi, je donnerai à Ted la direction de l'agriculture du domaine et la maison blanche pour y habiter, s'il lui plaît d'essayer le nouveau système d'exploitation. » dit Reginald Arundel, qui était revenu du continent, et s'était amusé pendant la dernière semaine à parcourir sa propriété, à regarder ses arbres, et à souhaiter presque qu'il fût nécessaire d'abattre tous les chênes de l'avenue, afin qu'il eût une occupation quelconque jusqu'au 12 août. Jamais fiancé ne fut mieux accueilli dans la maison de son futur que la charmante Belinda Lawford. En ce qui concerne la jeune fille elle-même, je dois avouer qu'elle était presque aussi heureuse qu'un enfant, et qu'elle avait assez à faire pour ne pas danser de joie, en courant çà et là dans la maison de Dangerfield. Comme une jeune ébée en robe de mousseline, une jolie déesse ayant le sourire aux lèvres et le cœur content. « Je vous ai aimé dès le premier jour, Edward, » dit-elle un jour tout bas à son futur. « Je savais que vous étiez bon, brave et noble, et c'est à cause de cela que je vous ai aimé. » Et un peu aussi pour la teinte dorée de ses belles boucles, pour son beau profil, ses yeux étincelants, et cet air de distinction qui est particulier aux défenseurs de leur pays, et plus encore particulier peut-être à ceux qui montent à cheval quand il s'agit d'aller à l'ennemi. Qui a été soldat le sera, je crois, toujours. Vous pouvez dépouiller le noble guerrier de son uniforme, mais ce je ne sais quoi, ce quelque chose sans nom qui éveille l'idée du long sabre, de la selle et de la bride, ne le quittera jamais. Mrs. Arundel et Laetitia débarrassèrent les deux fiancés de tout souci. La vieille dame fixa le jour du mariage après avoir consulté le major Lawford et traça l'itinéraire du voyage à faire pendant la lune de miel. La jeune fille choisit les tissus pour les toilettes de la mariée et de ses demoiselles d'honneur, et tout fut fini avant que Belinda et Edward fussent informés de ce qui se passait. Je crois que Mrs. Arundel craignait que son fils ne changeât d'idée, si tout ne se terminait pas promptement, et elle précipitait l'arrivée du jour irrévocable afin qu'il n'eût pas le temps de respirer, tant qu'il n'aurait pas juré au pied de l'autel de prendre pour femme Belinda Lawford. Il avait été convenu qu'Edward ramènerait Belinda dans le Lincolnshire et que sa mère et Laetitia, qui devait être la première demoiselle d'honneur, les accompagneraient. Le mariage aurait lieu à l'église d'Illingsworth, qui était située à 1,5 mille de la grange. Le 1er juillet fut le jour choisi d'un commun accord par le major et Mrs. Lawford et Mrs. Arundel, et le 18 juin, Edward accompagnerait sa mère, Laetitia et Belinda à Londres. Le voyage serait interrompu par un court séjour en ville, où l'on achèterait tout ce qui était nécessaire au mariage de Miss Lawford. Le major avait envoyé pour cela à sa fille favorite un chèque d'une somme considérable. Pendant tout ce temps, la seule personne qui ne fut pas calme, la seule personne dont l'esprit ne fut pas son aise, était Edward Arundel, le jeune veuf, qui était à la veille de prendre une seconde femme. Sa mère, qui épiait sa figure et comprenait chaque changement qui s'y opérait, s'aperçut de cette inquiétude et trembla pour le bonheur de son fils. Et pourtant, il ne peut faire autrement que d'être heureux avec Belinda Lawford, se dit Mrs. Arundel en elle-même. Mais la veille de ce voyage à Londres, Edward resta seul avec sa mère dans le salon de Dangerfield, après que les jeunes filles se furent retirées pour la nuit. Elles couchaient dans deux chambres qui se touchaient, ces deux jeunes filles, et je regrette de dire que leur conversation roula en grande partie sur la valencienne, les broderies du corsage, la moire antique, la mousseline, la soie glacée et la dernière nouveauté en fait de chapeau. Ce ne fut que lorsque la babillarde de Laetitia se fait retirer que Miss Lawford s'agenouilla à la clarté de la lune et demanda à Dieu d'être une bonne femme pour l'homme qu'il avait choisi. Je ne crois pas qu'elle demanda d'être fidèle, franche et pure, car il n'était jamais entré dans son esprit qu'une créature portant le nom sacré de femme pût être autrement. Elle demanda seulement à Dieu de lui accorder le mystérieux pouvoir de conserver l'affection de son mari et de le rendre heureux. Mrs. Arundel, assise en tête à tête avec son plus jeune fils dans le salon éclairé par la lampe, tressaillit en entendant le jeune homme pousser un profond soupir. Elle quitta des yeux son ouvrage pour voir sur sa figure une expression d'une tristesse probablement sans pareille chez les fiancés du passé et de l'avenir. « Edward, s'écria-t-elle, qu'y a-t-il, ma mère? Quel profond soupir vous venez de pousser? Vraiment ?» dit M. Arundel d'un air distrait. Puis, après une courte pause, il ajouta d'un ton différent. « Il est inutile de vous cacher tout cela, ma mère. La vérité est que je ne suis pas heureux. »« Pas heureux, Edward ?» s'écria Mrs. Arundel. « Mais assurément, vous. Je sais ce que vous allez dire, mère. Oui, ma mère, j'aime cette jeune fille, Linda, et de tout mon cœur. Je l'aime très sincèrement. Et je pourrais compter sur une vie d'un bonheur sans mélange avec elle si... s'il n'y avait pas quelques craintes inexplicables. » Quelques sentiments vagues et très pénibles qui se dressent toujours entre moi et mes espérances. J'ai essayé d'envisager l'avenir, ma mère. J'ai essayé de penser à ce que pourrait être ma vie avec Belinda, mais je ne puis voir clair dans l'avenir. Tout est sombre pour moi. J'essaie de bâtir un beau palais, et une main inconnue le renverse. J'essaie de fuir le souvenir de mes anciennes douleurs, mais la même main me ramène vers lui et m'enchaîne au passé. Si je pouvais défaire ce que j'ai fait, si je pouvais reculer honorablement et en ce moment même ne pas faire ce voyage dans le Lincolnshire, si je pouvais manquer de parole à cette pauvre enfant qui m'aime et que j'aime, Dieu le sait, en toute franchise et sincérité, je le ferais, Edward. Oui, ma mère, je le ferais. Il ne m'est pas donné d'oublier. Ma femme morte me hante nuit et jour, j'entends sa voix qui me crie « Infidèle, infidèle, infidèle, cruel et infidèle sans cœur et oublieux. Il ne se passe pas de nuit que je ne rêve de cette sombre rivière qui roule ses eaux noirâtres là-bas dans le Lincolnshire, dans tous mes rêves, quelques vagues et décousues qu'ils soient dans tous les autres détails, je vois sa figure morte qui me regarde à travers les eaux fangeuses, même quand je parle à Linda, quand des mots d'amour pour elle sont sur mes lèvres, mon esprit retourne toujours vers le chalet où par un beau coucher de soleil ma petite femme me donna sa main, vers le ruisseau de la prairie sur les bords duquel nous étions assis l'un près de l'autre et nous causions de l'avenir. Pendant quelques minutes, Mrs. Arundel ne dit mot. Elle s'abandonna pendant ce court intervalle à un désespoir complet. Tout était fini. Le fiancé disait non. Le major Lawford, insulté, viendrait en chaise de poste à Dangerfield tuer ce veuf bizarre qui ne savait ce qu'il voulait. Tous les tissus brillants, les gaz, les dentelles, les soies, les velours, qui étaient entre les mains des ouvrières à l'étage supérieur, deviendraient des objets inutiles, bons à être enterrés dans les armoires et rongés par les mythes, insectes iconoclastes qui prennent plaisir à détruire les ornements du temple humain. La pauvre Mrs. Arundel embrassa d'un coup d'œil toute l'horreur compliquée de la situation. Un père offensé, une douce et aimante jeune fille foulée aux pieds comme un lys déraciné, les commérages, la médisance, les misères de tout genre. Puis elle prit courage et donna à son fils réfractaire une bonne semonce, tendant à prouver que sa conduite était d'une atroce méchanceté et que si cette seconde fiancée jeune et confiante, cette belle et aimable seconde femme lui était enlevée comme la première, ce malheur ne serait que le juste châtiment de sa folie. Mais Edward dit très tranquillement à sa mère qu'il n'avait pas l'intention d'être parjure au serment qu'il avait récemment prononcé. « J'aime Belinda. Je lui serai fidèle, ma mère, mais je ne puis oublier le passé. Il me poursuit comme un mauvais rêve. »